écoutez, on a travaillé ce matin dans des conditions un peu spéciales. Hein, c'est-à-dire que des drames. Il y a des animaux dans notre bureau et on tenait à ce que l'auditeur le sache. Voilà. Vous avez fait peur, mais c'est pour rire. Non, mais ça n'est pas drôle. Oh, dites donc, je trouve que pour des gens qui préparent des émissions comiques, vous n'êtes pas très rigolo. Non, mais c'est pas ça, on a un énorme souci. Gros là. Souci. Ah bon, ouais. Ah bon. Regarde. Ah bah ouais, quoi, une tablette de chocolat. Oui, mais encore. Bah, je sais pas. Elle a été croquée. Ah, super, enfin, n'en mangez pas trop quand même. Parce que... Mais c'est pas nous. Mais c'est qui alors? Mais c'est la souris. C'est la souris ou les souris. J'ai peur dans ce bureau. Non, t'as mais peur. Si, toi. Oh, et moi je l'avais filée, elle est toute mignonne. On a qu'à lui donner un nom. Ah ouais, double clic. Oui, bah ouais, c'est marrant. Je rêve, on fait des vannes sur des souris alors qu'on est en train de se faire envahir par des rongeurs. Tu calmes, Alex. Non, je ne me calme pas. C'est le grand remplacement qui commence. On est dans les oiseaux d'Hitchcock. Ça va pour l'instant, c'est une petite souris. C'est... Mais oui, c'est double clic. On pourrait lui mettre un petit morceau de fromage. Pour l'attraper. Mais non, pour la nourrir. Non, moi, je vais sur internet, je vais acheter un attrape-souris électrique. Ah non, il veut la tuer. Assassin. Oui. Écoutez, on va faire simple. Quoi? Qui est pour qu'on achète un piège? Non. Moi, un radical. Non, moi, je vote blanc. Mais par contre, Guillaume. Ah, si Guillaume apprend qu'on a mis des pièges à souris. Non, mais on inverse les rôles. Là, c'est la souris qui est en train de nous manger le chocolat. Ah oui, calme-nous. Mais il veut tuer double clic. Oui, mais bon, on peut peut-être la capturer. Puis ceux qui veulent prennent leur quota de souris chez eux. Voilà. Ah bah, on vient à l'actu. Oui, bah, j'aimerais d'ailleurs qu'on choisisse les sujets. Moi, je veux qu'on règle ce problème, j'ai peur. Bon, bah, débrouillez-vous entre vous. Moi, je vais bosser, je reviens dans une heure. Voilà. Mais. Faites ce que vous voulez, hein, comme on dit pendant que le chat est parti. Les souris dans. Non, j'ai peur! Bonjour la France Inter. Je vous ai fait peur, c'était pour rire. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission Qui triche sur l'actualité. Et voici les trois informations sur lesquelles on a installé un logiciel de voiture allemande et qui vont rouler jusqu'à 18h. 11 millions d'automobilistes ont été trompés par Volkswagen. C'est terrible, on tombe de haut. Quoi? L'industrie automobile nous aurait menti. Et en plus, c'est un coup de nos partenaires européens. Ah, il achète allemand, lui? Il n'est pas rancunier. Emmanuel Macron est le roi de la boulette après s'être attaqué aux 35 heures la veille de l'université d'été du PS. Il s'en est pris au statut des fonctionnaires la veille d'un conseil national. Ah bon, il y avait conseil national, il n'était pas au courant. Et la gauche lui tombe dessus. Mais comment tu peux te vanter d'être de gauche et réagir comme ça? Je suis socialiste non pratiquant. Conséquence du cas Vincent Lambert, le CHU de Reims débourse 90 000 euros pour gérer son image. Le tarif d'un super communicant pendant 3 mois. Même quand un jeune interne vient chercher sa blouse au CHU de Reims, il y a des éléments de langage des communicants. Vous en avez pas une sans tache? C'est pas des taches, ça a été lavé, c'est des taches propres. Je suis accompagnée de celui qui chauffe plus vite qu'un diesel pour conduire l'actu dans le mur, c'est Alex Vizorek. Bonjour Charline, je me demande si c'est pas vous la souris de ce bureau au final. Et toute l'équipe est terrorisée. J'ai mais pas touché à votre chocolat. À 17h20, mercredi annonce son retour et tant mieux. Il vient nous éclairer sur la musique et il le fait tel Rembrandt. Puisqu'en matière de lumière, nous n'avons souvent droit qu'à un petit clair-obscur, mais c'est tellement beau. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on parle? On va parler d'un jeune AED. Vous savez ce que ça veut dire un mais AED? Non. Et ben, j'ai une chronique de 3 quarts d'heure pour vous expliquer. Notre invité fait des gestes qui sous-tend qu'il sait. À 17h30 en peinture, lui, il serait plutôt pointilliste, puisque point après point, il révèle notre société. Mais comme il est impatient d'en révéler les lacunes, son pinceau virevolte et de Seurat, on passe à Pollock. Bonjour Guillaume Meurice. Oh, c'est beau, j'ai rien compris, mais c'est beau. Oui, bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, je me suis intéressé à l'union de la gauche aujourd'hui. Je suis allé à la rencontre des députés PS, dont un qui m'a dit que la gauche avait redressé le pays, tout en gardant quoi? Tout en gardant ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux. Voilà, en perdant un peu au niveau de la grammaire. Hein, par contre. Et à 17h40, elle, c'est Vinci. Une culture encyclopédique, une curiosité de tous les instants, mais surtout pour nous, elle dépeint les chefs-d'œuvre de la littérature avec son sourire monalisien. Bonjour Isabelle Sorrent. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi va-t-on parler? Aujourd'hui, je vais vous parler du mot réenchanté. Ah, très bien. Nous en avons tous besoin. Ah oui, c'est là. Les politiciens l'adorent ce mot. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous, est-ce que vous savez sous qui? René Coty. Vous commencez par vous produire dans la rue en 79 quand les bronzés font du ski. Vous décrochez le prix du public et le prix du jury du Festival de l'humour de Saint-Gervais en 2000 quand Martine Aubry ne reçoit pas de prix de l'humour pour sa mise en place des 35 heures, étonnamment. Vous lancez un projet d'improvisation dans les écoles en 2012 quand le stand-up des Pussy Riot dans une église russe leur valent une arrestation. Vous êtes... Gustave Parking. Bienvenue. Wow. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et il y a toujours un moyen de savoir si c'est le vrai Gustave Parking qui est avec nous, c'est de savoir s'il a de nouveaux... Alors, on dit nouveaux oxymores ? Ah, un ou une oxymore ? Ah, Isabelle Sorrente. Voilà. Tout le monde se tourne vers Isabelle Sorrente. Je pense que c'est un oxymore. Il y en a même voilà. qui disent oxymore. Deux nouveaux oxymores. D'ailleurs, un oxymore, c'est un pléonasme aussi. Oxymore, enfin bon. Donc, il faut expliquer d'abord Gustave Parking. Un oxymore. Un oxymore, pour ceux qui ne savent pas, il y en a qui ne savent pas. Hein, ouais. Je veux dire, c'est une opposition dans la même phrase, hein, enfin, schématiquement. Exact. Alors, à chaque fois qu'on vous voit, vous en avez des nouveaux, issus de langage politique. Voilà, c'est ça. Il y a une guerre sainte, vous voyez, c'est une opposition dans la même phrase, un mort vivant, vous connaissez, la déontologie de TF1, voilà. Il y a d'autres, la liberté d'expression avec Canal+. Et il est récent celui-là. Il est récent, il vient de sortir. Une TVA sociale, une banque populaire, l'unité de la gauche. Exactement, vous en avez à chaque fois des nouveaux. Et c'est pour ça que, même si vous jouez les prolongations au théâtre Trévise, et qu'il y a la reprise de votre spectacle best-of, hein, de mieux en mieux pareil, eh bien, vous reprenez vos visuels, parce que vous êtes connu pour ça, pour le visuel. Mais vos textes évoluent. Tout le temps. Tout le temps. J'essaie d'écrire. Parce que je me suis installé aux Antilles, en fait, il y a 10 ans, avec la DSL. C'est pas une nana, c'est... Donc je me suis installé là-bas et du coup, j'ai pu écrire directement mes textes. J'étais sur Twitter, je vous le dis. Bon, aujourd'hui, j'avais un peu la tweet molle. Mais en général, ça me permet d'envoyer directement les textes. Il y a des gens qui me suivent. Et puis, du coup, tous ces textes, après, ceux que je peux mettre dans le spectacle sont réintégrés au spectacle. C'est-à-dire que vous reprenez vos visuels, mais à chaque fois, le texte évolue. Alors, c'est un spectacle anti-crise. D'ailleurs, vous dites à peu près comment trouver ce qui nous manque dans ce qu'on a déjà. C'est tout le concept du spectacle. C'est de la récupération, donc je fais des jeux de mots, je récupère les mots, je détourne les objets, et puis je critique un peu tout le système, on n'essaie pas de trouver ce qui nous manque dans ce qu'on a déjà, on consomme et on surconsomme. Vous dénoncez, vous êtes un petit peu dans la ligne, Guillaume Meurice, vous êtes un petit peu dans la lignée de Gustave Parking, c'était un peu votre parrain. Mais complètement, non mais en plus j'ai vu le spectacle. J'ai vu le spectacle et Alors, je vais vous dire quelque chose, Gustave Parking, quand même, vous faites un spectacle anti-crise, donc au départ on paye 2 euros et puis après on met un complément qu'on veut en fonction de l'appréciation. Du spectacle. C'est un gros spectacle, vous n'avez pas honte de surfer ou de vous engouffrer dans cette niche de l'anticrise quand même. Moi je le faisais avant la crise. C'est vrai. Alors, il dit c'est vrai. Non, il n'y a jamais eu avant la crise. Il y a toujours eu la crise. Oui, non, mais ça fait 3 milliards d'années qu'on est en crise. Même les dinosaures ils se plaignaient. Non, ça va. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ou qui ne connaîtraient pas votre spectacle, comme c'est visuel, c'est difficile de le faire à la radio. Mais vous êtes un artiste, je suis sûr que vous pouvez y parvenir. Moi je peux nous expliquer. Du mime à la radio pour les téléspectateurs au volant. Comment expliquer, par exemple, un morceau de votre spectacle en visuel à la radio ? Bon, ben, y a un moment, je fais un robot qui fait des bulles géantes, il y a des choses très très spectaculaires, j'ai une souffleuse qui s'appelle un accélérateur de vitesse immobile. Donc c'est pareil, c'est du recyclage. Tu te mets une souffleuse dans la gueule, c'est comme si tu allais à 200 km/h. Donc il suffit de faire ça et tu blesses personne, tu consommes moins, t'es pas obligé d'avoir des trucs de chez Volkswagen pour t'empêcher de polluer. Est-ce que vous avez toujours le costume d'homme nu ? Oui, à la fin, mais faut pas trop le dire, ça, si tu dévoiles la moitié du spectacle. Non, mais c'est pas ce que c'est. Non, c'est très rigolo, ça. C'est effectivement un costume de mec à poil et ça permet d'aller dans les camps de naturistes sans te faire remarquer, même l'hiver. C'est un costume qui tient chaud. C'est pas faux. La grande force de Gustave Parking, pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est le rythme, ça va très très vite, vous prenez tout dans la gueule, y compris lui prend dans la gueule. Et moi qui ai joué après lui au caveau de la République, vous retrouvez une scène où il y a des objets un peu incongrus, des poireaux, des confettis, tout ça. C'est impossible de passer après Gustave Parking. Je sais pas qui passe après vous ou Trévise, mais... Bah, y a Bigard qui se plaignait quand j'avais joué à Paris. Moi, j'adore Jean-Marie, mais à l'époque, il se plaignait parce que son public, il rigolait dans la queue, parce que je faisais un spectacle de rue. Bah, j'arrêtais les voitures, je faisais la place Tiananmen, je faisais reculer les voitures et tout. Et après, je crachais du feuille du chocolat, quand j'étais jeune. Enfin, je suis encore jeune, mais depuis un peu plus longtemps que certains, donc je peux revendiquer cette... Donc, je rappelle que vous jouez les prolongations au théâtre Trévise, et puis, spectacle anti-crise, donc 2 euros plus un complément à l'appréciation du spectacle, donc vous pouvez aller le voir autant que fois que vous voulez, puisque le spectacle évolue. Et puis si ça marche, l'année prochaine, vous aurez les Pink Floyd à 2 euros l'entrée, et là, ils donneront ce qu'ils veulent à la fin. Non, mais il faut y croire, ça fonctionne très bien. Je l'ai fait au Casino de Paris, ça a très bien marché. Bon, et en plus, j'explique combien coûte un spectacle. Donc je fais pas du dumping, puisqu'à la fin, j'explique combien coûte un spectacle. Par contre, les gens, parce que dans un resto, tu payes à la fin. Alors qu'au théâtre, tu payes avant. Donc si tu as payé avant 30 euros, tu te fais chier, tu n'oses même pas partir parce que tu as peur de perdre tes 30 euros. Donc tu es obligé de rester. Alors qu'au resto, on te sert de la vache folle, tu n'arrives pas à l'attraper, ben, tu ne payes pas. Donc c'est un peu... Venez voir le fonctionnement, et, mais d'autres artistes peuvent le reprendre. C'est ça qui est bien. Et au fisc, vous déclarez 2 euros la place. Non, non, non, on bien déclare tout, c'est nickel. C'est-à-dire que... C'est nickel, c'est hyper encadré. C'est-à-dire que Gustave j'appelle Parking... J'appelle Macron. Gustave Parking est servi chaud. Servi chaud au théâtre Trévise. Wonder Superstition. Il est 17h20 sur France Inter et il est 11h20 en Guadeloupe, n'est-ce pas ? Oui. Ah, parce que voilà, on salue nos auditeurs en Guadeloupe. D'où vous nous écoutez, Gustave Parking ? Oui, ben j'embrasse tous mes amis de Guadeloupe, les professeurs d'improvisation qui sont là-bas. Oui, parce que vous avez lancé des cours de stand-up, on va en parler. Marie, Katia, Nina, oh là là, alors... voilà, spéciale dédicace. Allez, on dédicace TV Wonder aux auditeurs guadeloupéens. Et dédicace toute cette émission aux auditeurs guadeloupéens qui nous envoient régulièrement des messages parce qu'on tombe bien à 11h. Et alors l'équipe, évidemment. C'est bien la preuve qu'ils foutent rien à 11h en Guadeloupe. Qu'on en Guadeloupe. C'est Guillaume Meurice. Donc oui, que je dénonce. Voilà, c'est moi. André Manoukian et le meilleur pour la fin, Isabelle Sorrente. Eh bien, donc, c'est le journal de presque 11h17 en Guadeloupe, voilà, alors, exactement. C'est oui, ça. On voilà. peut dire ça. Allez, ouais. C'est parti. Super. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. François Hollande a réussi à refourguer ses Mistral et c'est l'Égypte qui s'est offert ce bijou de technologie. Espérons qu'il réussira à leur vendre d'autres produits français que bientôt les Charentaises remplaceront les babouches dans les souks du Caire. Dans cette édition, on parlera aussi d'un projet de village pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans les Landes. Le projet est prévu pour 2017. S'il n'est pas oublié d'ici là. Et il y aura de la brève et même du quiz. Autant dire, tous les outils de l'infotainment seront utilisés. Commençons par la géopolitique. La France va vendre à l'Égypte les Mistral qu'elle a refusé de vendre à la Russie. Et pourquoi n'avait-elle pas voulu les vendre à la Russie ? Eh bien, parce qu'elle estimait que Poutine était un brin dictatorial. Ah, voilà. Donc maintenant, on va les vendre au président maréchal Al-Sissi. C'est ça. C'est ça. C'est bien. International, toujours. Parfois, il ne faut pas rajouter de vannes. Hein. C'est ça qui est bien. Il y a des contrats diplomatiques qui sont des grosses vannes. International, toujours. Oui. Le président chinois Xi Jinping était en visite aux États-Unis et il a déclaré: la Chine est un fervent défenseur de la cybersécurité. Voilà, Xi Jinping qui visiblement a profité de son voyage aux USA pour se lancer dans le stand-up. Santé à présent, la création d'un village Alzheimer est envisagée dans les Landes. Effectivement, cela fait suite à une initiative hollandaise de maisons de retraite pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer uniquement. Le but est d'aménager le village pour que les personnes âgées aient une fin de vie la plus normale possible et c'est prévu pour 2017 en France. Et comme on fait ce qu'on veut dans ce journal de presque 17h17, nous avons envoyé Guillaume Meurice sur place en 2017. Oui, tout à fait, Charline, je suis dans ce village des Landes où il n'y a que des malades d'Alzheimer. Oui, comment est l'ambiance sur place ? Extrêmement bonne, les gens sont très heureux ici. Alors évidemment, le fait qu'ils ne puissent pas être rancuniers joue un peu. Je suis d'ailleurs avec Michel. Alors Michel, comment se déroule une journée ici ? Oh, c'est chouette. D'accord Michel, d'accord. Mais par exemple, donc ce matin vous vous êtes réveillé ? Ah ça oui. Mais après, c'est plus. Salopard ! Ah, nous avons Thérèse qui est là. Vous êtes bien Thérèse ? Oh, si vous le dites ! Michel, il m'a quitté, ce salopard ! Ah, alors Michel, pourquoi vous avez quitté Thérèse ? Je sais pas qui c'est, moi. Bon, alors Thérèse, pourquoi vous accusez Michel ? Mais j'accuse qui ? Moi, j'accuse personne. Non, mais alors attendez. Thérèse, on va boire un thé ? Oui, avec plaisir, dites donc, vous êtes pas mal, hein ? Ah, ben voilà. Ah, ben voilà, c'est donc le bonheur et l'allégresse qui dominent ici. Merci, Guillaume, pour, ce duplex intertemporel. Je retourne dans le présent. Avec cette belle histoire, une belle histoire, un fan de Roger Federer passe 11 ans dans le coma. Il en est sorti et son idole est toujours au top. Exactement. Ouais. En revanche, ce qui serait possible, c'est que si un Français tombé dans le coma depuis 32 ans se réveille et dit: est-ce qu'un Français a gagné un tournoi du Grand Chelem ? Eh ben non, tu peux te rendormir, mon bonhomme. Une page patrimoine. Patrimoine, oui, c'est en ce moment l'Oktoberfest. Et attention, quiz, le petit journal a trouvé là-bas quelqu'un entre les litres de bière et les currywurst. Mais qui sait ? Ich bin so glücklich, das ist erstens mal, ich war hier. Aber für mich, das ist ein Jahr schon. Das ist... Ja, André Manoukian. Das ist Mireille. Oui. Wie ein Traum. Das ist Mireille Mathieu. Mais non. Oui, oui. Ah bon, d'accord. Ich habe getrunken Bier, hein, quand même. Ah, elle coince un peu, mais elle parle vraiment très bien. Très bien. Alors, on reste dans le people. On reste dans le people. Taylor Swift s'est invitée chez un garçon de 7 ans. Ah, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Si Michael Jackson avait fait pareil, on aurait crié au scandale. C'est pas faux, people encore. Angelina Jolie et Brad Pitt adoptent un enfant syrien. Oui, c'est pas une grande surprise, évidemment. Mais le fait est qu'Angelina voulait adopter trois orphelins, Brad n'en voulait qu'un. Donc, même chez les célébrités, on négocie un petit peu les quotas. Et on termine par cette information terrible. Oui, cette année, il y a eu plus de morts à cause des selfies qu'à cause des attaques de requins. 12 contre 8, la statistique ne dit pas combien de gens sont morts pour avoir essayé de se prendre en selfie avec un requin. Il y en a eu 400 avec les grippins, il paraît aussi. Il y a eu 400 morts à cause des grippins. Comment on fait pour décéder avec le grippin ? Je sais pas. On prend son bain avec. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Gustave Parking. Alors, vous êtes auprès d'une famille qui a perdu un proche suite à un grippin. Oui, un grippin qui a été mis dans la baignoire. Une baignoire à port. C'est vrai que ça arrive. Les accidents domestiques. Allez, on vous accompagne jusqu'à 18h. On va quand même rigoler un petit peu malgré cette histoire de selfie. Vous trouvez qu'on a pas beaucoup ri là, juste ? Je vous remercie. Mais c'était un journal. C'est vrai. On a informé les gens. J'oublie parfois. Ils sont morts comment avec les selfies, par contre ? Alors, il y en a une notamment dans le Taj Mahal. Elle a voulu se photographier et elle a chuté dans les escaliers. Oh. Je peux pas vous donner les 11, mais il y en a un qui est foudroyé. Il y a eu un foudroyé avec la perche. Disons que par rapport aux morts à cause des requins, il y a quand même des paramètres extérieurs avec le selfie. Hein. Peut-être sont la bêtise. Faut le rappeler. Le selfie ne mord pas, rappelons-le. Bon, premier sujet, quand même, parce qu'il y a un petit peu travaillé ici, Gustave Parking, quand même. Vous êtes venu pour ça de Guadeloupe, tout de même. Oui, non, pas tout à fait. Voilà le secret de l'économie allemande. Une tricherie de niveau industriel et mondial. 11 millions de bagnoles. Le diesel Volkswagen, c'est désormais l'Oscar de la boulette. Attends, j'ai aussi un ami qui roule en diesel, alors tu vois. C'est vrai ? Non. Ça, je pourrais pas. Je... On n'a pas toujours eu la chance d'être fiers de rouler en diesel. Alors, déjà, un fabricant de diesel... Dites ce que c'est. C'est, une publicité, oui, c'est une publicité pour Volkswagen. Ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, oui, qui d'autre aurait pu prendre ça? Ah oui, mais non. Moi, j'ai mis ça dans mes toilettes. un truc qu'on ne voit pas, ce que j'ai fait dans les toilettes. Ah oui. Ça marche partout. Le filtre, c'est un truc qui... Attendez, parce que je n'ai pas compris ce qu'il venait de se dire. Ça change les données. C'est un logiciel qui a été mis sur les pots catalytiques. Excusez-moi, pas une comptopétrie. Hein, il y en a. Mais ça a été mis pour faire croire que ça ne polluait pas. Et en fait, ça se déclenchait juste au moment du contrôle. À ce moment-là, ça ne polluait pas, mais dès que c'était parti, ça polluait. Mais je vois que vous avez étudié le dossier. Aux toilettes, on ne sent rien quand je sors, parce que j'ai mis un appareil, c'est le même principe. D'accord, je viens de comprendre. Mais ma vanne est tombée à plat, je sors tout de suite. Des fois, on explique à Charline les blagues. Bah, moi, quand on aborde les sujets, je reviens à mon état de journaliste premier degré. Donc c'est fini. Alors, déjà, fabriquer des voitures diesel, ça ne doit pas vous ravir, Gustave Parking, vous qui êtes très écolo, mais tricher à une telle échelle, au mépris de l'environnement et de la santé, là, on vient d'en rigoler, mais ça vous met aussi en tard, j'imagine. Ah bah c'est énorme, le type devrait être viré tout de suite. Là. En plus, Winterhorn, il y a des cornes pour l'hiver, On m'apprend qu'ils viennent démissionner. Ah, ils m'ont écouté. On a les infos en direct. Vous avez autre chose à demander. C'est pour rien, il y en a d'autres. Alors, la qualité allemande en prend un coup aussi. Alors, on parle du modèle allemand, du modèle économique, etc. Un emploi sur six est lié au secteur de l'automobile. Non, mais en Allemagne, ils ont une efficacité terrible, aussi bien dans l'efficacité que dans la tricherie. Alors, une efficacité dans l'efficacité, déjà, c'est un très bon mot. Mais dans la tricherie, ils sont très forts. Il y a des trucs en Afrique monstrueux faits par des sociétés allemandes. On balance sur les Allemands, soyez précis. Isabelle Sorrent, vous vous êtes posé des questions. Vous, oui, je me demandais, les mecs qui avaient triché, en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me disais, il y avait deux scénarios. Soit un scénario un peu tragique, ils étaient enfermés comme nous dans le studio, et ils se disaient, bon, alors est-ce qu'il faut faire ce logiciel ou pas? Et on voit un peu un scénar, genre 12 hommes en colère, et puis il y en a un qui n'est pas d'accord, il sort, il a perdu son âme et tout. Et je me disais, il y a un deuxième scénar, j'aurais vraiment envie de savoir auquel vous croyez le plus, qui serait terrible, qui serait beaucoup plus segmenté, en fait, c'est-à-dire des gens ne se parlent pas. Ils sont tous dans des bureaux, et puis à un moment, il y a un gars qui dit, tiens, il faudrait réduire les coûts, et puis il y a un autre gars qui dit, tiens, comment on pourrait faire? Et à la fin, ça arrive dans un bureau d'études où il y a un geek qui est au courant de rien, et on lui dit, il faut que tu fasses un logiciel pour faire ça. Ça sent l'affaire Carven un peu. Ouais. Est-ce que c'est concerté, machiavélique, ou est-ce qu'il y a... Tu crois qu'il y a un mec tout seul qui a réussi à mettre un logiciel sur 1 million de véhicules comme ça? Non, sans l'agrément d'autres ingénieurs. Un Kerviel, c'est ça? Oui. Ouais. Vous n'y pensez, vous n'êtes pas pour cette théorie. Est-ce que c'est tragique ou est-ce que c'est segmenté? C'est tragique, ça veut dire que les gens ils font de la com et il y a beaucoup de trucs où ils respectent pas du tout l'environnement, c'est tout. On le sait. Et le bilan carbone d'un mec qui habite en Guadeloupe et qui fait des allers-retours en France? Ben, il est correct parce que j'ai 2 hectares de forêt et ça équilibre. Ah, c'est vrai. J'ai acheté une forêt qui était déclassée. Donc, et on m'a dit que quand vous pétez, ça ne dégageait pas de méthane. Ouais, t'as remarqué. Ouais. Par contre, c'est pas tout le cas. Mais dites-le, André Manoukian. Bah, qu'est-ce qui vous prend? Mais je sais pas. Vous savez quoi? Compensez votre bilan de vanne là, avec une chronique tout de suite. De qualité. On dit une pétate dans ce cas-là d'ailleurs. Il s'appelle Mathieu Zaïkali. Il a fait un album qui s'appelle A Million Particles. Au commencement, elles étaient 3. Haïdé, Mélété et Mnémé. Non, ça n'est pas un girls band grec, ce sont les muses. Une muse, pour Platon, c'est une médiatrice entre un dieu et un créateur intellectuel. Oui, même Guillaume Meurice, il a une muse, c'est-à-dire un médiateur culturel, oui, qui fait le va-et-vient entre lui et son dieu, qui doit être un peu tordu parce que, après tout, on a les dieux qu'on mérite. Aïdé, en grec, ça veut dire chanter, donc l'aide est la muse du chant. Mélété, ça veut dire méditer, elle est la muse de la méditation. Et enfin, Mnémé, eh ben, ça veut dire la mémoire. Voilà les 3 muses, Aïdé, Mélété et Mnémé, qui définissent l'art du chanteur. Il faut de la voix pour chanter, il faut méditer pour chercher les sujets. Et enfin, il faut de la mémoire pour restituer tout ça. Tout ça pour nous parler d'un mec qui a gagné la Nouvelle Star? Ta gueule. Ah bon, Dédé? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous essayez de nous emballer des histoires de muses? Dédé, super définition. Allez, je continue. L'Aide, l'ancêtre du chanteur, racontait des histoires en chantant pendant les banquets. Au fond, ça n'a pas beaucoup changé. Mais on se remet dans le contexte de l'époque. Laed est bien plus qu'un saltimbanque intermittent du spectacle. Il était à la fois le Patrick Cohen qui donne les infos, le Jean Lebrun qui remet les choses dans leur contexte historique, le Alex Vizorek qui transforme un peu la réalité pour nous faire rire, le Nicolas Demeurant qui peut nous faire flipper sur l'état du monde. Bref, Laed, c'était l'homme parfait. Le France Inter de l'époque, plus le JT de feu Claire Chazal, plus le cinéma en technicolor, plus Gallimard et Flammarion à lui tout seul, puisque rien de tout ça n'existait pas, il n'y avait pas de livre et les gens avaient besoin qu'on leur raconte des histoires. Donc, il est un personnage central et important. Il est inspiré par les dieux, il raconte des épopées incroyables pendant des heures en mémorisant des textes énormément longs. Grâce à quoi ? Grâce à la mélodie. En fait, à la base, le chant n'est qu'un support mnémotechnique pour restituer tous les textes qui étaient dits. Ça commence comme ça au 7e siècle avant Jésus-Christ. Chez les Grecs, le premier chant, c'est l'Iliade. En fait, c'est un gros blockbuster, l'Iliade, qui raconte la baston entre les Grecs et les Troyens, déjà l'opposition entre l'Occident et l'Orient. Mais les Orientaux aussi ont leur récit épique. Le plus vieux chant connu à ce jour date de 3000 ans. C'est l'épopée du roi Gilgamesh à partir de récits sumériens. Vous l'avez compris, un chanteur, c'est pas n'importe qui. Il a une mission et son geste vient de loin. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeune Aed qui se présente à nous. Mathieu. Alors. J'aurais pu le qualifier de proto-poète, mais il y a un petit côté pétomane, quoique certains chanteurs chantent aussi avec leur cul, mais pas le nôtre. Mathieu Saïkali est un fils digne des récitants antiques. Mais vous aviez voté pour lui ou pas, vous ? Mais évidemment, Je dis ça pour son côté barré et a priori légèrement obsolète. Il convoque Aed, car sa voix est belle, bien timbrée, des graves de velours et des aigus. Et le chèque de M6, il était gros ou pas ? Non, c'était 8. Impudique qui expose son côté féminin. Il fait marcher Médéthée, la muse de la méditation, car il voyage loin, vers l'infiniment grand, puisqu'il convoque le cosmos dans sa chanson Cliché cosmique, et vers l'infiniment petit avec le titre de son album Un million de particules. Enfin, il se sert de Médéthée, ses mélodies sont imparables. C'est un Aed, il tient d'un Damien Rice pour l'émotion, il a un petit côté Dick and Gun pour la fausse naïveté, enfin cette pochette qui le scinde d'une couronne de fleurs tel un poète grec, gagnant et au une service Olympiade. De presse de D8, mais... ils ont bien bossé. Ah ouais. Vous savez où il s'est révélé beaucoup plus que la nouvelle star ? C'est non. Chez Pascal Clark, en fait. Ah. Et oui, parce que elle l'a accueilli tout de suite. Ah, c'est lui. Et il ah, a oui, fait va, là, exactement bon. Avec bon. Nicolas Rey. Ils ont élaboré ensemble un système de lecture musicale qui a tellement cartonné que cet été, à Avignon, ils ont eu le prix du public. Allez, on écoute dans l'espace. Non, on n'écoute pas dans l'espace, on écoute ce que tu veux. Vas-y, Benjamin. Je suis dans l'espace, je sais pas où mettre, comment être, je veux pas que ça casse, je prends trop de place, partout où j'erre, où j'essaye j'ingère, mais le son s'efface. Je manque d'oxygène, je soupire tout, les mots qui gênent, qui s'envoient d'étoiles, déjà mortes, ma tête en caisse, nouvelle porte. J'ai bu la tasse d'énormes austères, dans mon corps ça me fait. J'ai vu une trace dans l'univers qui peint des mystères sur tout ce qui se passe. Quand je manque d'oxygène, je soupire tout, les mots qui gênent, qui sont parfois d'étoiles, déjà mortes, ma tête en Il paraît qu'il est meilleur en anglais. Hein, c'est rassurant. Alors, quand c'est même. Vrai qu'il voulait faire son album en anglais et puis que la maison de disques lui a dit on veut des textes français. Oh là là. C'est plus difficile, mais voilà, je trouve que sa poésie est formidable. Il est au Café de la Danse très bientôt. Et vous pouvez aller le voir avec Nicolas Rey, parce que c'est vrai que c'est intéressant ce qu'ils font, les textes plus la guitare. Comme quoi, vous voyez, il y a une vie après les télécrochets. Bien bah sûr, oui. Magali Baé, elle en a vendu 350. Alors, je peux vous dire mais, si, mais il surveillez pas, votre langage, oui, André Manoukian, oui, c'est vrai, voyons. Je m'égare. Alors, c'est parce qu'autour de cette table, nous avons des gens de qualité. C'est mais vrai. Bien sûr, nous avons Isabelle Sorrent, nous avons Guillaume Meurice et nous avons notre invité qui nous vient de loin, mais c'est surtout un homme du monde. Nous avons Gustave Parkin. Oui, qui joue les prolongations au théâtre Trévise avec de nouveaux oxymores. J'espère qu'on dit bien nouveau, sinon nouveau, je vais recevoir nouveau. Du courrier. Sinon on aura des merci. Tweets. Merci. Exactement. Oui, oui, oui. Tiens, Guillaume Meurice. Oui. Question tweet. Alors, grosse enquête ouais. aujourd'hui, Charline. Je me suis intéressé de près à un sondage dont la question était la suivante. À quoi sert Jean-Christophe Cambadélis? Ah. Et oui. Alors, on a les résultats. 88% des sondés ont répondu « Je suis désolé, mais je n'aime pas le fromage de chèvre ». 38% ont répondu « Quitte à choisir un mec qui a été condamné par la justice, je préfère Al Capone ». Et 0,1% a répondu « Vous n'avez que ça à foutre de poser des questions comme ça, votre carrière est pathétique ». A priori, donc, Rachida Dati a été sondée. Alors, je sais, le total ne fait pas 100%, mais je vous rappelle que selon un autre sondage, 93% des Français savent pertinemment que les sondages sont bidonnés. D'accord ? Donc on est bon. Alors, à quoi sert Jean-Christophe Cambadélis à proposer, par exemple, comme il l'a fait il y a quelques jours, un référendum sur l'union de la gauche ? Dis donc, Jean-Cricri, on te voit. Tu essayes d'exister médiatiquement. Bon, alors ici, on est sympa. On va t'aider un peu. Je suis allé ce matin à l'Assemblée nationale pour tester ta proposition. On commence avec un écologiste de gauche, Noël Mamère. Allons-y pour l'union de la gauche. Jean-Christophe Cambadélis procède d'une petite manipulation politicienne. Je pense qu'on ne peut pas se comporter comme des petits mécanos de la politique. Oui, alors non, faux départ, on n'est pas bien parti pour l'union de la gauche, là. Alors attendez, je le sens mal ce truc. Bon, alors quitte à dézinguer le PS, allons voir directement la droite. Daniel Fasquelle, par exemple. Alors lui, c'est je votre ami, bien. Lui. Oui, alors je l'aime beaucoup. Non mais je l'aime beaucoup, j'ai de l'affection pour les futurs taulards. Hein, et comme il est trésorier des Républicains, bon, a priori on connaît un peu son avenir. Alors, qu'est-ce qu'il pense de l'initiative de Jean Cricri? Écoutez, c'est le problème de la gauche, mais on voit aujourd'hui que la gauche est très très divisée. Mais là, vous trouvez que la droite est rassemblée? Mais le fait qu'on ait plusieurs candidats pour les primaires, ça n'est pas un signe de division, c'est un signe de bonne santé du mouvement. C'est la preuve qu'on a des gens de qualité qui se mettront sur les rangs. Et puis, Alors, qui se mettront sur les rangs, mais qui se mettront sur la gueule aussi, on peut dire quand même. Non, je ne crois pas, on exagère beaucoup tous ces débats. Mais oui, on exagère, Daniel, évidemment. Ils sont unis du côté des Républicains, comme les cinq doigts de la main. Bon, la main d'un lépreux, mais la main quand même. Mais c'est pas comme la gauche. D'ailleurs, qu'est-ce que la gauche? Tiens, j'ai posé la question à Daniel Fasquelle. Ah, pour moi, la gauche, c'est l'injustice. Regardez, par exemple, la suppression de la journée de carence pour les fonctionnaires. Mais vous voulez les supprimer, les fonctionnaires? Non, pas du tout. Je souhaite une évolution du statut des fonctionnaires qui est absolument... Voilà, c'est ça, en fait. Je traduisais, c'est pour ça. Je vous assure qu'aujourd'hui, le statut de la fonction publique est complètement inadapté par rapport à la vie moderne. On a besoin de plus de liberté, de plus de souplesse. Voilà, de plus de souplesse, hein. Ça, je ne vais pas vous le traduire. Mais bon, si vous êtes fonctionnaire, il va falloir bien se pencher en avant et tousser très fort. Du côté du PS, on soutient évidemment... Il y a quelqu'un derrière, c'est ça que ça veut dire? Oui, Charline, vous avez compris la blague. Oui. Bravo, oui, voilà. Bravo Charline. Alors, du côté du PS... Pour être sûr. Bon, vous voulez savoir ce qu'on pense du côté du PS? Oui. Alors, mais on soutient évidemment cette initiative de Jean Cricri, hein, notamment le député du Nord, Yves Durand. Alors, faut se méfier des gens hein, qui ont un nom qui est aussi un prénom. Hein, je vous rappelle les plus connus, Guy Georges, Émile Louis, Éléonore Jean-Jean, qui triple son prénom et qui travaille au service des pays de France Inter. Et donc, auprès de qui, je m'excuse immédiatement de l'avoir comparé à des tueurs en série. Enfin, voilà, j'enchaîne comme si de rien n'était. Monsieur Jean-Louis Etienne, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Ça, on peut continuer, la liste est longue. Bon, j'enchaîne quand même en revenant à Yves Durand, à qui j'ai donc posé la question. Qu'est-ce que la gauche? La gauche, c'est d'abord le redressement du pays. Après, ça, la droite, ils disent pareil. Oui, sauf que la droite, elle a démoli pendant 10 ans. Oui, mais alors la droite, elle dit que c'est vous. Oui, enfin, écoutez, il n'y a pas photo, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de leçon à recevoir. Oula, on se calme Yves, hein, moi ça fait longtemps que j'ai quitté le CM2, donc je ne suis pas aussi balèze que toi, on sait celui qui le dit qui y est. Bon, alors, la droite, ok, mais la gauche. Alors, la gauche, il y a des gens qui disent que le PS n'est pas à gauche. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, n'est-ce pas Yves? Jean-Luc Mélenchon dit ce qu'il a envie de dire. Moi, je m'aperçois que Jean-Luc Mélenchon, dans bien des domaines, a très exactement le même discours que Marine Le Pen, et je le regrette. Voilà, donc l'union de la gauche est en route, hein, comme toujours, on le constate. Groupez-vous comme ça, et demain, le Front National sera le genre humain. Allez, concluons avec Yves Durand, à qui j'ai posé une petite dernière question piège. Est-ce que Emmanuel Macron est de gauche ? Emmanuel Macron, toute sa place à la gauche. Ah, vous voyez, vous n'arrivez pas à dire son nom déjà. C'est sans doute la fatigue. Oui, oui, oui, on est tous très très fatigués de vos conneries. Je vous rappelle le taux d'abstention aux dernières élections, 56%. Et ça, c'est le vrai chiffre, pas un sondage. Guillaume, vous m'avez parlé d'Yves Durand comme étant quelqu'un dont le nom était un prénom. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Ben non. Enfin, je ne sais pas si vous avez des amis qui s'appellent Durand. Ah, c'est vrai. C'est pas grave. Il est troublé. Parce que j'aime me moquer. Nous recevons des tweets de gens vigilants. Mais j'ai un doute. Est-ce qu'il s'appelle vraiment Yves Durand, du coup? Ah, bah, on va vérifier. Si, c'est ça. Nous allons vérifier. Et en tout cas, petite parenthèse, parce que votre Daniel Fasquelle, qui est le trésorier de Les Républicains, comme vous vous moquez un petit peu de lui, il essaye de vous acheter en vous invitant à déjeuner. Oui, il est gentil. Sur quoi vous avez répondu non? J'ai répondu non, merci, parce que je suis poli quand même. Voilà. Et alors, c'est quand même étonnant parce que cette semaine, Alex Vizorek a fait dans la matinale a fait une chronique en face de Claude Bartolone qui l'a invité à déjeuner aussi. Mais j'ai et vous avez dit non. De refuser. Voilà, parce donc que petit message aux politiciens, bon nous ne nous laisserons pas acheter, ça n'est pas la peine d'essayer. On préfère encore la cantine de Radio France. Oui, ben, mais on est bien con. Allez, on est toujours avec Gustave Parking qui joue les prolongations au théâtre Trévise dans cette émission. Deuxième sujet, Emmanuel Macron parle souvent avant de réfléchir à l'esprit d'équipe qui anime le gouvernement et les socialistes, n'est-ce pas? Évidemment. Vous l'avez dit, l'union de la gauche est en route. Cette fois, les députés PS lui tombent dessus parce qu'il a remis en cause le statut des fonctionnaires. Et tout de suite, je me suis fait un copain dans l'administration, il m'a dit, mon vieux, si je peux te donner un conseil, je te vois là, ne dors pas le matin, sans ça tu ne sauras pas quoi faire cet après-midi. Parce que vous savez, les administrations, c'est des endroits où quand on arrive en retard, on croise ceux qui s'en vont en avance. Alors Emmanuel Macron a critiqué le statut des fonctionnaires, il a dit il n'est ni adéquat ni justifié. Quelle est votre boulette préférée d'Emmanuel Macron? Parce qu'il a fait quelques-unes qui sont pas mal, vous qui réintégrez le stand-up dans les écoles. Enfin, le stand-up. Ah oui, c'est vrai qu'il a dit ça. C'est vrai, oui. L'improvisation dans les écoles. Non, mais beaucoup de gens ont comparé l'improvisation au stand-up, ce qui est une erreur absolue. Ah, c'est quoi la différence alors? L'improvisation, on joue à plusieurs. On apprend à écouter l'autre, à être tolérant, à rigoler avec son, à construire des histoires ensemble. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec le stand-up, c'est très différent. Le stand-up, il y en a qui ont fait de l'impro et qui sont en stand-up, c'est bien de pouvoir parler tout seul aussi, donc on apprend les deux. Mais quand on fait de l'improvisation théâtrale, on construit des histoires, on va vers la littérature. Et c'est de la littérature. On est à l'écoute de l'autre. C'est de la littérature ou tu littérature. Alors là, pour Emmanuel Macron, visiblement, c'est pas de l'improvisation. Je la refais. Vous avez pas vu la littérature ou tu littérature. Ah, ça y est. Excusez-moi, je n'ai pas activé le roaming jusqu'à Bruxelles. Voilà. Donc, quelle est votre boulette préférée d'Emmanuel Macron qui visiblement ne fait pas de l'improvisation parce qu'il est quand même tout seul dans ses histoires. Les illettrés, les jeunes qui doivent rêver d'être milliardaires, les 35 heures ou les fonctionnaires? Ben déjà, les jeunes qui doivent rêver d'être milliardaires, parce que elle est pas mal celle-là. Elle est très violente, parce que moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être l'abbé Pierre. Ah oui, c'est vrai. Enfin, d'être quelqu'un. D'être puceau toute votre vie, en fait, c'est ça. Excusez-moi. Non, mais je disais l'abbé Pierre, c'était une image. Ah oui, ça va. C'est un peu. Bon, j'aurais dit Sœur Teresa, ça aurait été pire. Alors, Emmanuel Macron, il fait ce qu'on peut appeler une sortie. C'était Agui Mouna. Voilà, pour vous dire, quand j'étais jeune, vous connaissez pas Agui Mouna? Si, tu connais Agui Mouna. Ben voilà. André était dans la rue qui parlait. Quelqu'un qui a gagné la Nouvelle Star. Alors, incroyable. Mais non, alors, attendez, est-ce qu'on peut parler quand sérieusement? Quand il y a Diogène, il n'y a pas de plaisir. Les frondeurs disent Montebourg et Hamon ont été virés pour moins que ça. Et Emmanuel Macron, il fait aussi une sortie de route par rapport à la ligne du gouvernement. Est-ce que vous êtes aussi d'accord pour dire il y a deux poids, deux mesures? Il ne faut pas se cacher d'ailleurs le petit doigt de la concierge, comme disait je ne sais plus qui, parce que je viens d'inventer la formule. Emmanuel Macron, il représente les banques. Et les banques, c'est la finance. Et il est à côté de Hollande pour contrôler ce que fait Hollande. Donc c'est une évidence pour tout le monde. Et après, il faut voir ce que les banques peuvent lâcher ou ce que les banques ne peuvent pas lâcher. Tout le problème, il est là. C'est votre interprétation des choses. Donc il ne va pas se départir de son étiquette de la banque Rothschild. Il a ce statut de représentant de monsieur et madame la banque. Bon, là, on dit beaucoup de mal d'Emmanuel Macron, mais malgré toutes les boulettes, il fait son boulot. Oui, mais c'est un des cotes préférentielles des Français en ce moment à gauche. Ah oui, mais les Français sont cons. Attention, je te rends compte. Ces histoires de bus sont en train de créer de l'emploi et à cause de ces sorties sur les fonctionnaires, etc. Bus diesel. Et à cause de ces sorties sur les fonctionnaires, cette histoire d'emploi qui se crée grâce au bus, il n'en parle pas, donc il ne bénéficie pas de cela. Voilà, comme ça on a plus ou moins équilibré les choses. Il faudrait d'abord qu'il étudie le statut des hauts fonctionnaires. Voilà. Commencez par lui. Et donc, disons que sa sortie sur les fonctionnaires, c'était juste avant un conseil national du PS, mais il n'était pas au courant qu'il y avait conseil national du PS ce week-end-là. Donc il est évidemment, pas au PS, bon, il peut pas, mais voilà, exactement. Isabelle Sorrent, je suis sûre que vous avez une théorie là-dessus, mais je pense que vous avez une théorie aussi linguistique aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, un peu de linguistique, alors qui est lié un peu aussi à l'environnement, parce que je crois, Gustave Parking, que vous êtes très impliqué dans l'écologie, etc. Et là, on approche de la conférence sur le climat. Bah oui, ça peut laver depuis 3 jours, là, d'ailleurs. Oui. Greenpeace vient de publier un rapport qui soutient que l'avenir appartient aux énergies renouvelables. Et moi, j'ai envie de vous parler de 3 verbes qui ont en commun le préfixe « re ». Donc ces verbes, vous les connaissez bien et vous les connaissez trop. Il s'agit de réenchanter, redonner et reconstruire. Donc, réenchanter le rêve français, c'était pas ça la phrase de François Hollande ? Alors non, si vous consultez Google, la référence universelle en matière de doxa, et que vous tapez réenchanter, alors à votre avis, vous tombez sur réenchanter quoi ? Google, il y a souvent le monde, nu le monde. Juif ou quelque chose comme ça. Réenchanter le monde. Et tout de suite après, vous avez réenchanté l'école. Ah. Et ensuite, réenchanté la ville. Alors maintenant, qu'est-ce qui se redonne ? Alors, en premier, c'est du désir à sa femme. Puis tout de suite après, le classique redonner du sens à sa vie. Ah oui. Puis on redonne du peps. Et oui, parce qu'il faut croire que lorsqu'on n'est pas assez productif, parce que la vie n'a plus du tout de sens, il faut redonner un petit peu de peps à tout ça, avec un petit cocktail de vitamines ou une thérapie brève. Enfin, disons, redonner du peps pour ne pas dire donner un coup de fouet. Alors, pour reconstruire, je ne m'y attendais pas, mais ce qui apparaît en premier, c'est reconstruire la flore intestinale qui précède reconstruire l'école. Donc, notez les amis que l'école apparaît après un verbe en re pour la 2e fois. Donc, malheureusement pour elle, l'école aussi doit être réenchantée, je vous rappelle. Donc, comme nous prenons très au sérieux, je pense, notre mission de service public dans ce studio... Ça vous aura pas échappé. Voilà, je tiens à signaler aux auditeurs que le préfixe re signale toujours cette langue grise, fonctionnelle et totalitaire qui grignote peu à peu les individus sous prétexte de les redresser, les repulper, les reformater et les recadrer. Parce que le « re », si on regarde un peu profondément ce préfixe, cache toujours une destruction préalable. Il y a une profondeur dans le « re », vous voulez dire. Il y a une profondeur de destruction, parce que qu'est-ce qu'on reconstruit en premier lieu, Charline ? On reconstruit les visages défigurés et les pays après une guerre. Ah, oui. La chirurgie de la reconstruction fait son apparition pendant la guerre de 14. Donc, si on vous propose de réenchanter, redonner ou reconstruire quelque chose, méfiance. Vous pouvez être sûr que la chose à refaire a été défaite, qu'elle est défigurée, menacée de mort ou au moins à l'agonie. Donc, réenchanter le monde, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, vous ouvrez le journal et vous avez compris de quoi il s'agit. Vous pouvez aussi réenchanter l'entreprise et réhumaniser la prison. D'ailleurs, j'ai failli vous faire la chronique sur réhumaniser, mais là c'était un roman à soi tout seul. Et j'aurais explosé le temps, vous m'en auriez voulu. Et c'est vrai que quand on dit restructurer, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, ça veut dire qu'il y a eu de la démolition. Ouais. Et en fait, derrière ces verbes, je dirais reconstructeurs, il y a évidemment quelque chose de sombre, mais qui est moins une passion de la destruction, je dirais intense, qui procède moins de la volonté de détruire que d'une espèce de, je dirais, de paralysie, de volonté de tout maîtriser. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les choses se déployer, on se dit qu'on va mettre une armature bien visible sur tout ça, qu'on va maîtriser la chose. Et derrière, il y a évidemment le refus de vivre l'imprévu, le refus de tout ce qui pourrait de tout ce qui pourrait arriver par hasard, que ce soit les catastrophes, l'amour, la surprise, de tout ce qui est gratuit aussi. Parce que ce qui arrive par hasard est gratuit. Et les plus anciennes sociétés, André Manoukian, vous devez le savoir, considéraient le refus de don comme un sacrilège. Et donc, je crois... Il ne savait pas du tout. Il fait sa tête de quand il ne savait pas. Mais c'est Gilgamesh. Pourtant, tous les trucs de vieux, ça y connaît. Mais... En tout cas, à l'heure où certains s'imaginent pour résoudre le problème du changement climatique que l'homme avec un grand H va pouvoir envoyer des particules réfléchissantes dans la stratosphère pour régler le climat de la Terre comme celui d'un bar lounge, parce que c'est vrai qu'on est en train de penser, et continuer à pollué comme si de rien n'était, il n'y a rien à redonner. Le sens de la vie, nous le cherchons tous autour de cette table. Alors qui pourrait nous le redonner? On est tous en train de chercher. Alors pourquoi ne pas s'efforcer de le trouver, comme Etil Soum qui écrivait dans son journal à la veille d'être déporté. C'est la petite parenthèse littéraire hein, pour justifier ma chronique. Donc lisez le journal d'Etil Soum, qu'elle trouvait encore et toujours la vie belle et pleine de sens. Pourquoi re? Pourquoi ne pas passer à l'acte? Pourquoi se laisser paralyser par la langue grise? Et pourquoi ne pas enchanter, construire ou donner? Joli. Donc, comme dirait Johnny, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, quoi. C'est redonner l'envie. Merci, Isabelle Sorin. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de citer Johnny. Johnny, quand on parle linguistique et qu'on élève le débat comme ça, un petit Johnny pour remettre tout le monde à niveau. J'ai pensé que c'était bien. Ça redonne le niveau. Merci, Isabelle Sorin. Tiens, je rappelle que vous publiez La Faille chez Jean-Claude Lattès. Oui. Un bouquin épais. Et oui. Vous, alors que vous écrivez, c'est... Ah, moi, c'est comme la chronique. Hein. Si on me laisse, je m'arrête. Relu. 500 pages et aucun verbe en re. Avec du contenu. Hein. C'est Isabelle Sorrente, hein, quand même. On reparlera bientôt. Private joke. Troisième sujet, conséquence du cas Vincent Lambert, le CHU de Reims, débourse 90 000 euros pour gérer son image, le tarif d'un super communicant pendant 3 mois. Les hôpitaux ont intégré des services de communication depuis quelques temps déjà. Mais ça donne quoi un communicant plongé en milieu hospitalier? On en a suivi un, tiens. T'es marré, toi? Non. Tu sais qu'on est dans un hôpital? I know, baby, I know. Je te cache pas, ça fait 7 ans que je bosse ici, quand même. Bon, les 4 premières années, c'est vrai que je me rendais pas vraiment compte. Je croyais que j'étais dans un aéroport. Mais à force de pas voir d'avion... Bon, bah, le doute s'installe. Hein. C'est Ramzy, oui, dans H, excellente série qui est rediffusée d'ailleurs, je pense, sur France O, me semble-t-il. C'est rediffusé éternellement, ouais. C'est toujours très drôle. Bah, je vous encourage à le revoir. Voilà, 99 990 euros hors taxes sur fonds publics pour gérer l'image incroyable d'un hôpital public. C'est quoi son salaire par mois? Divisé par 3. Voilà. 30 000. Quand on pense que l'hôpital public manque cruellement de moyens. Alors, c'est une information que j'ai lue dans le Figaro ce matin. Alors, je ne sais pas vous autour de cette table, et vous, Gustave Parking, mais moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit... Donc, c'est vrai qu'il y a Vincent Lambert qui est dans cet hôpital. Donc, communication de crise. L'hôpital est auteur de 3 tentatives échouées de processus de fin de vie. Et donc, l'hôpital dit qu'elle a une mauvaise image et a besoin d'un communicant de crise. Il veut faire des panneaux d'affichage. C'est pour communiquer pour Vincent Lambert, peut-être, parce qu'il a du mal à communiquer. C'est un peu son problème. En fait, l'oxymore, c'est linguistique, mais ça pourrait être une espèce d'oxymore d'actualité, voilà, ça, non ça, ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous interpelle aussi, genre de choses, vous dites, ça va pas bien. Ça fait un petit peu mal pour ceux qui ont d'autres opérations, quoi. Oui, et qui savent pas se les payer, bien sûr. Que, bah, pour l'instant, il lui aurait conseillé d'abord de changer la moquette et mettre des boiseries en palissandre. Oui, c'est vrai que nous avait fait ce reproche dans cette maison pour 90 000 euros. C'était à 10 mois ou à l'année, donc on en a eu un pas cher. C'est vrai. Alors, heureusement, je vais vous dire, il y a eu un appel d'offres, évidemment, et le cabinet qui a remporté le marché explique sa démarche. Ce qu'il va faire, c'est dire la vérité en l'habillant, mais sans la travestir. Il veut habiller Vincent Lambert, il y a déjà sa famille. Non, je disais peut-être que ça allait vous inspirer. Quoi? Je vois que tout le monde est estomaqué autour de cette table et qu'il est difficile de réagir à ce sujet. Estomaqué, on n'a rien d'autre. André Manoukian? Le pire, c'est que la seule explication logique, ce serait que les gens sont dans un tel désarroi face à ce problème-là que personne n'arrive à résoudre. L'opinion et les médias seraient... Que pour donner du sens, on appelle des communicants. Je crois que c'est ça Parce qu'ils ont été attaqués par la famille, il faut bien comprendre. Ils ont été attaqués de séquestration, non-assistance à personne en danger, etc. Donc, mais est-ce que c'est la peine de payer quelqu'un pour ça? Ils ont simplement appelé la presse pour expliquer que... Donc l'image, semble-t-il, de l'hôpital est à ce point catastrophique, alors qu'il y a aussi du positif dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est un hôpital qui est quand même au centre d'un débat de société... On peut rester longtemps, inconscient... Voilà, c'est ça. Non mais dans Dr House, ils faisaient de la com comme ça. Ils ont même fait une série qui s'appelle Dr House. Oui, c'est vrai. Effectivement. Gustave Parking, à cette heure-ci, vous êtes au courant, parce que on est très flattés, vous nous écoutez en Guadeloupe, paraît-il. Oui, exactement. Alors, vous savez ce qui se passe à cette heure-ci? À la fin de l'émission, à peu près? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, à la fin de l'émission, il y a un truc sympa. Qui est un sketch où vous avez. Ah oui, c'est un ça, j'ai vu Tikenja hier, parce que je suis copain avec Tikenja Fakoli. Oui, vous avez le même régisseur, vous nous voilà, avez dit. Voilà, c'est ça. Votre spectacle prolongation et ou très vite. Je l'ai vu hier, il souffrait un peu. Il a loupé la première réplique, mais après il était parti. Mais donc, je ne vais pas arriver mieux que lui, parce que comme je. C'est en vert. Des lunettes de plongée. La conférence de presse qu'aurait dû faire le patron de Volkswagen cet après-midi. Et je suis où, moi? Vous êtes en vert. Vous êtes en vert. Je suis en vert. Et Guillaume Meurice est le patron de Volkswagen. Charline et moi sommes journalistes à la conférence de presse. Bon, écoutez, on l'admet, on a triché, on est les Lance Armstrong de l'automobile, les Big Malion du 4x4. Est-ce que vous présentez vos excuses? Non, parce qu'on l'a fait pour le bien des gens. Vous pouvez développer Oui, le diesel, en grande quantité, c'est très bon pour l'environnement. Vous dites ça pour vous déculpabiliser? Non, pas du tout. Et pour vous le prouver, je fais appel à un grand scientifique. Voilà, je vous présente le professeur Parking. Bonjour à tous, c'est vrai, le diesel c'est génial, c'est écolo, et c'est même très désaltérant. Vous avez des exemples? Bien sûr, ici j'ai un pot de fleurs, je vais l'arroser du diesel, voilà, bien. Et immédiatement... Alors attendez, parce que là, elle est morte, hein, votre plante. Oui, plante, hein. Effectivement, ouais, elle est un peu morte, la plante, c'est bon, là. Elle est morte. Mais comme ça, je peux la recycler. Ah, très malin. C'est bio. Très malin, professeur Parking, très malin. De toute façon, qui a le temps de jardiner en 2015? Voilà. Et quoi donc, hein, professeur Parking? Vous avez autre chose? Les gens disent que le diesel pue. Ah. Faux! J'ai développé une gamme de parfums que je porte. Ah voilà, je me disais aussi où il y a un rat crevé ou quelque chose, mais oui, d'accord. Oui. Parfum qui me permet de ne pas être dérangé dans les transports en commun. C'est un génie, Attendez, mais vous pourriez nous prouver que ce n'est pas nocif? Ah, il peut le faire. Je peux le faire. Mais faites-le! Je pourrais le faire. Faites-le! Je vais le faire! Je vais boire du diesel. Il est formidable. Vous voulez notre filtre? Non, sans filtre. Encore mieux, formidable. Car non filtré, le diesel, c'est plein de protéines. Santé. Attendez, professeur, attendez. Là, il change de couleur, là. C'est normal. Professeur. Il va pas bien, là. Eh bien, écoutez, bonne nouvelle, le diesel, c'est excellent pour réduire les frais de personnel. Merci, professeur Parking. Non, il n'y a pas de quoi. Vous tombez très bien. En tout cas, la chute était... Mais comme je ne l'avais pas lu avant, je ne sais pas de quoi on a parlé. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le principe. Tous les jours. Gustave Parking, je rappelle que vous jouez les prolongations au théâtre Trévise, reprise de votre spectacle best-of de Mieux en Mieux Pareil, mais vous renouvelez tous les textes, donc c'est du recyclage. Oui, en permanence. Développement durable. Voilà. Allez-y. 2-3 ans, il faut aller voir Gustave. Et en plus, c'est un spectacle anti-crise. Hein. On rappelle quand même que c'est 2 euros et après, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. En fonction de la qualité du spectacle. Vous pouvez venir avec des gens plus pauvres qui habitent près de chez vous, ou avec des gens plus riches qui pourront vous le payer. Envie de donner beaucoup. Merci Gustave Parking. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Prolongation, c'était un plaisir. C'est jusqu'au 30 octobre. Donc dépêchez-vous, sinon je suis à Colmar après. 30 septembre, me dit-on. 30 septembre, pardon. Voilà, 30 septembre. Allez, à demain avec Frédéric Becbédé. Et puis vendredi à Lille, en direct du Théâtre du Nord. Venez nombreux vendredi, le mot de la fin au modèle économique allemand. On n'a pas toujours eu la chance d'être fiers de rouler en diesel.